du mufti d'Arabie Saoudite, Abdel Uzza El Sheikh, qui prononce le tekfir sur les auteurs des attentats d'Algérie et du Maroc. Le mufti d'Arabie Saoudite, Abdelaziz El Sheikh, a dit « Je dis, ce qui s'est passé en Algérie et au Maroc n'est pas un djihad. C'est une injustice et une oppression et un crime. Celui qui appelle ça un djihad est dans l'erreur. Qu'est-ce que le djihad? Le djihad a sa valeur. Or, l'assassinat d'innocents, d'enfants, etc. Est-ce ça un djihad? Ceci est un mal et une épreuve. Et ce grand attentat qui est arrivé en Algérie a eu pour résultat la mort de 33 personnes et plus de 200 blessés, ainsi que l'attentat du Maroc. Ceux qui se sont explosés pour faire cet attentat ne doivent pas être nommés Mujahideen, mais ils doivent être nommés corrupteurs, criminels et pécheurs. Nous ne pouvons pas nommer cela djihad. Nous ne pouvons changer la réalité et donner à ces gens la récompense des Mujahideen. Le Mujahid est celui qui s'efforce de sa langue à inviter à la vérité et à Allah, et s'efforce physiquement et financièrement dans le sentier d'Allah, et invite à Allah, et à réconcilier les erreurs, et à faire prendre conscience à la Ummah de l'actualité avec douceur et sagesse. Par contre, le meurtre et les effusions de sang, les attentats, tout ceci, mes frères, est un crime. Il faut que le monde islamique prenne conscience que ces attentats ne sont autres qu'un crime que commettent des gens qui n'ont pas peur d'Allah dans leur cœur, et qui n'ont aucune foi. Qui est-ce qui permet de faire couler le sang des musulmans? C'est un mécréant. Celui qui pense que le sang des musulmans est licite et permet l'effusion du sang des innocents et considère ceci licite, il n'a fait que permettre ce qu'Allah a interdit et ceci est une mécréance, qu'Allah nous protège. Le vendredi 15 avril 2007. Notez bien, aucune iqamat al-hujja n'a été nécessaire pour prononcer le verdict de mécréance sur les auteurs des attentats, alors qu'il est possible qu'il s'agissait de jeunes ignorants, voire de nouveaux convertis, ou encore qu'ils étaient victimes d'une confusion à savoir. Peut-on tuer des musulmans si la situation est telle qu'on ne peut atteindre les mécréants sans que des musulmans ne soient tués, comme cela arrivait dans certaines batailles? Les auteurs des attentats ont été accusés d'avoir rendu licite le sang des musulmans, mais qu'il n'est jamais dit ou écrit que le sang de ceux qui ont été tués parmi les innocents et les enfants est licite, mais leur seul acte a été suffisant. Par contre, les tawarites, qui gouvernent par la démocratie, qui rendent licite l'illicite d'Allah et illicite le licite d'Allah, de telle manière qu'il n'y a peut-être pas assez de doigts sur la terre entière pour les compter, et qui combattent par les armes ceux qui s'opposent à cette mécréance manifeste et envoient leurs gendarmes pour violer les femmes et les enfants des musulmans, et qui tolèrent l'adoration des tombeaux et protègent ces monuments adorés en dehors d'Allah, eh bien, même après plus de 30 ans, on ne peut toujours pas prononcer sur eux le verdict de mécréance. Et il est aussi bon de souligner que d'après cette déduction du mufti, les compagnons sont des mécréants, vu qu'ils se sont battus et entretués lors du conflit entre Muawiya et Ali ibn Abi Talib. N'ont-ils pas eux aussi rendu licite le sang des musulmans? Pourquoi ne pas dire cela? Nous espérons une réponse cohérente de la part des alliés de ces gouvernements.